Monsieur le maître avait les goûts de son art. Il aimait le vin. À table, cependant, il était sobre, mais en travaillant dans son cabinet, il fallait qu'il bût. Sa servante le savait si bien que, sitôt qu'il préparait son papier pour composer et qu'il prenait son violoncelle, son pot et son verre arrivaient l'instant d'après, et le pot se renouvelait de temps à autre. Sans jamais être absolument ivre, il était presque toujours pris de vin. Et en vérité, c'était dommage, car c'était un garçon essentiellement bon et si gai que maman ne l'appelait que petit chat. Malheureusement, il aimait son talent, travaillait beaucoup et buvait de même. Cela prit sur sa santé et enfin sur son humeur. Il était quelquefois ombrageux et facile à offenser. Incapable de grossièreté, incapable de manquer à qui que ce fût, il n'a jamais dit de mauvaise parole, même à un de ses enfants de cœur. Mais il ne fallait pas non plus lui manquer, et cela était juste. Le mal était qu'ayant peu d'esprit, il ne discernait pas les tons et les caractères, et prenait souvent la mouche sur rien.